depuis longtemps. Souvent on m'a dit t'es foutoir, dans ma vie c'est le foutoir. Partout je m'affirme d'un ton ferme, ferme le point pour ponctuer le verbe. Mon rap reste agressif, le juste reflet de mon âme. Et si l'instrumental est calme, tu l'entends même quand je fais du love. Bébé, viens caresser le chauve. Voilà une belle phrase pour les chocs. Comme quand ça chope dans les soirées alcool, où ça cogne dur pour des histoires d'ivrogne. Des histoires d'avant, parfois même des histoires inventées. Des mises à la main dont on pourra se vanter après. Après 6 vécu qui ressemblent de près ou de loin à d'autres. C'était une autre époque où l'alcool, le shit, la coque en ont flingué plus d'un. Y'avait trop d'ailles et pas assez de mains tendues pour les sortir de cette merde. Avec le recul on se dit que c'est dès le destin, on joue bandit depuis gamin, tout le monde voulait être sur le terrain. Apprenti Kaïd à 16 ans, rien dans la tête, dans la poche des stupéfiants. Des années déjà que les métisans nous disent fini. Aujourd'hui les stupides parlent sur moi et veulent connaître ma vie. Veulent savoir ce que je fais, veulent savoir qui je suis. Alors petit écoute ce qui suit, ma voix mixée sur TPS 12. La main sur le levier de vitesse, tu m'as peut-être vu passer pendant que t'attendais le bus. Les 4 roues en glissant entre deux autres caisses, et les 2005 qui gueulent sa race. Carrefour où les boss n'a nettoie les pare-brises, prends la pièce mais à vis, touche pas à cette vitre où je te casse les incisives. Repère une grande fille aux longues tresses qui lui tombe jusqu'aux fesses. Lui propose de la déposer d'un coup de caisse. Échange de téléphone et pourquoi pas plus tard un peu de sexe. Pas de stress, j'ai ma carte bleue pour l'hôtel dans une poche de l'alias. Dans notre latex, chose que je déteste, j'enfile à chaque passe. Malgré la gêne que ça me procure, on se protège pour que la vie tire et que ma tige reste bien dure. Comme un attache-remorque, pas de remarques désobligeantes, pas plus d'attente. T'es trop excitante, laisse-moi savourer l'instant présent. Si par la suite tu suis ma retraite sur la droite, ne fais pas de force. Rancunier jusqu'à la mort, je laisse le pardon aux autres. Mais pour l'instant, c'est l'heure d'un tête à tête, l'heure de faire un break. Installe-toi sur la banquette arrière, déshabille-toi, mais endec le cuir. Installe-toi sur la banquette arrière, déshabille-toi, mais endec le cuir, ouais, ouais. Installe-toi sur la banquette arrière, ouais. Déshabille-toi, ouais. Putain sa mère, j'ai pété un injecteur sur la BM. Vapeur de gasoil dans la clim, un sale problème qui m'intoxique, qui m'impose un passage au stand rapide. Donc cet après-midi, on bougera avec la classe S de Farid ou la 4 de City. 4 RMI dans une grosse caisse, une Mercedes ou une Audi. En attendant la RS4 ou la M3 enfin, ouais, qu'importe. Et si les forces de l'ordre nous barrent la route, on passera en force. Quitte à péter la porte.